Ah, trop saoulé là. Putain, mais... Puis ce matin, ça arrête pas là. Journée de merde là. Oh, putain, mais y'a que des cons ici ou quoi? Ouais, c'est bon, putain, trop saoulé là. Journée à la con là. Pfff, ras le bol. La voisine du dessus marche en talons à 6h du mat. La tête sous l'oreiller, si je me lève j'ai la trauma. Toujours ma frère, la pire bouffonne, c'est moi qui l'ai eu. Si j'applique la parité, je monte et je lui en colle une. Je file sous la douche, histoire de brasser à autre chose. Y'a rien qui marche, une fois de plus, y'a plus d'eau chaude. J'ai passé le tas du ronchon, ça peut vite devenir dantesque. Partage en vrille, style Tony Donzesque. Depuis que je me suis levé ce matin, y'a rien qui va. Je suis pas superstitieux, mais franchement ça me dit rien qui vaille. Sans que ça me saoule, je vais encore envoyer tout valser. Putain de portable, sonne sans cesse, pire qu'un SAV. Je savais bien que cette journée-là, elle pue la merde. J'ai le SMS de mon ex qui me dit qu'elle vit à la merde. Amertume en arrière-goût, même un pied de brossage dedans, hein. La journée de merde, j'suis en plein dedans. Une journée de merde, juste une journée de merde. Un jour comme un autre en bref. Journée de merde, c'est une journée de merde. Journée boule de nerfs. Une journée de merde, juste une journée de merde. Un jour comme un autre en bref. Journée de merde, c'est une journée de merde. Journée boule de nerfs. Cette meuf m'a plaqué il y a 3 jours et je me rends compte que c'est pas du hasard. Si elles me disent va te faire foutre, sale con. Et moi je rêve juste de faire des sales combles, des MIC salto. Plus t'as fait à l'heure pour un salto. Horaire décalé, horaire du journée lente. En cherche des lances, pars en vrille comme au jour de l'an. Fais ci, fais ça, ils croient tous savoir ce qu'il faut que je fasse. Je vais me barrer, fissa, sérieux faut que je trace. Avec l'ego que j'évite la coke et ceux qui causent à la légère. Le chien fou rend folle les mégères. Envie de gerber en regardant ce monde. Envie de barrer de smoke avec mes potes, ma télé passant dans ton smoke. Taper des smacks sur des joues et puis des petits culs. Je suis à l'instinct, je m'en bats les reins de leurs petits calculs. L'avenir caduque, je vais au présent, gravis les montagnes. Journée de merde, texte, évasion de prison mentale. Une journée de merde, juste une journée de merde. Un jour comme un autre en bref. Journée de merde, c'est une journée de merde. Journée boule de nerfs. Une journée de merde, juste une journée de merde. Un jour comme un autre en bref. Journée de merde, c'est une journée de merde. Journée boule de nerfs. Ce soir c'est mon anniversaire et je vais passer tout seul. Dans cette ville loin de chez moi, de ceux que j'aime, j'ai trop le seum. Je peux pas me plaindre, c'est moi qui l'ai voulu cet exil. À 500 bornes de toutes les anciennes stories, je suis existe. Exister par soi-même, trouver la force de faire les choses. Pour eux, je reste un bon à rien qui sait juste faire le show. Faire le show, concert, studio, radio. Oublie les yachts, les paquebots, je me ramène en radeau. Rappel, c'est juste une journée de merde. Pousser à bout, je pourrais bien dire d'aller niquer ta mère. Des rap verbalement, parfois la colère, je vois plus qu'elle. En quarantaine, trop la haine, comment te soucieras-t-elle? Le temps n'a pas de prise, une journée de merde, c'est toujours trop long. J'ai pas à me gratter les gros lots, en attendant le gros lot. Frollo, dans la foule, je me sens bien, je me perds et tu me revois pas. Je m'en bats les reins d'être un mec à part. Une journée de merde, juste une journée de merde. Un jour comme un autre en bref. Journée de merde, c'est une journée de merde. Journée boule de nerfs. Ouais, ouais. Tony Tones sur un son de fond, casse.